Lettre 2 d'Héloïse. La profondeur des pensées, l'énergie du style, font surtout le mérite et l'éclat des divers discours dont j'ai parlé dans ma lettre précédente. Mais on y trouve aussi des mouvements de sensibilité qui caractérisent d'avance l'auteur d'Héloïse. C'est avec plaisir que je me livre à me retracer l'effet que cet ouvrage a produit sur moi. Je tâcherai surtout de me défendre d'un enthousiasme qu'on pourrait attribuer à la disposition de mon âme plus qu'au talent de l'auteur. L'admiration véritable inspire le désir de faire partager ce qu'on éprouve. On se modère pour persuader, on ralentit ses pas afin d'être suivi. Je me transporterai donc à quelque distance des impressions que j'ai reçues, et j'écrirai sur Héloïse comme je le ferais, je crois, si le temps avait vieilli mon cœur. Un roman peut être une peinture des mœurs et des ridicules du moment, ou un jeu de l'imagination, qui rassemble des événements extraordinaires pour captiver l'intérêt de la curiosité, ou une grande idée morale mise en action et rendue dramatique. C'est dans cette dernière classe qu'il faut mettre Héloïse. Il paraît que le but de l'auteur était d'encourager au repentir, par l'exemple de la vertu de Julie, les femmes coupables de la même faute qu'elle. Je commence par admettre toutes les critiques que l'on peut faire sur ce plan. On dira qu'il est dangereux d'intéresser à Julie, que c'est répandre du charme sur le crime, et que le mal que ce roman peut faire aux jeunes filles encore innocentes est plus certain que l'utilité dont il pourrait être à celles qui ne le sont plus. Cette critique est vraie. Je voudrais que Rousseau n'eût peint Julie coupable que de la passion de son cœur. Je vais plus loin. Je pense que c'est pour les cœurs purs seuls qu'il faut écrire la morale. D'abord, peut-être perfectionne-t-elle plutôt qu'elle ne change, guide-t-elle plutôt qu'elle ne ramène. Mais d'ailleurs, quand elle est destinée aux âmes honnêtes, elle peut servir encore à celles qui ont cessé de l'être. Combien on fait rougir d'une grande faute en peignant les remords et les malheurs que de plus légères doivent causer. Il me semble aussi que l'indulgence est la seule vertu qu'il est dangereux de prêcher, quoiqu'il soit si utile de la pratiquer. Le crime, abstraitement considéré, doit exciter l'indignation. La pitié ne peut naître que de l'intérêt qu'inspire le coupable. L'austérité doit être dans la morale, et la bonté dans son application. J'avoue donc, avec les censeurs de Rousseau, que le sujet de Clarisse et de Grandisson est plus moral. Mais la véritable utilité d'un roman est dans son effet, bien plus que dans son plan, dans les sentiments qu'il inspire, bien plus que dans les événements qu'il raconte. Pardonnons à Rousseau si, à la fin de cette lecture, on se sent plus animé d'amour pour la vertu, si l'on tient plus à ses devoirs, si les mœurs simples, la bienfaisance, la retraite, ont plus d'attrait pour nous. Cessons de condamner ce roman, si telle est l'impression qu'il laisse dans l'âme. Rousseau lui-même a paru penser que cet ouvrage était dangereux. Il a cru qu'il n'avait écrit en lettres de feu que les amours de Julie et que l'image de la vertu, du bonheur tranquille de Madame de Volmar, paraîtrait sans couleur auprès de ses tableaux brûlants. Il s'est trompé. Son talent de peindre se retrouve partout, et dans ses fictions comme dans la vérité. Les orages des passions et la paix de l'innocence agitent et calment successivement. C'est un ouvrage de morale que Rousseau a eu l'intention d'écrire. Il a pris pour le faire la forme d'un roman. Il a peint le sentiment qui domine dans ce genre d'ouvrage. Mais s'il est vrai qu'on ne peut émouvoir les hommes sans le ressort d'une passion, s'il est vrai qu'il en est peu qui s'enflamment par la pensée, s'élèvent par sa puissance à l'enthousiasme de la vertu, sans qu'aucun sentiment étranger à elle et donner du charme et de la vie à cet amour abstrait de la perfection, si le langage des anges ne fait plus effet sur les hommes, un ange même ne devrait-il pas y renoncer? s'il faut, pour ainsi dire, entraîner les hommes à la vertu, si leur imperfection force à recourir, pour les intéresser, à l'éloquence d'une passion, faut-il blâmer Rousseau d'avoir choisi l'amour ? Quel autre eût été plus près de la vertu même ? Serait-ce l'ambition ? Toujours la haine et l'envie l'accompagnent. L'ardeur de la gloire ? Ce sentiment n'est pas fait pour tous les hommes. Il n'est pas même entendu par ceux qui ne l'ont jamais éprouvé. Quel théâtre et quel talent ne faut-il pas à cette passion ? À qui l'inspirer, si ce n'est à ceux que rien ne peut empêcher de la ressentir ? Que font les livres au petit nombre d'hommes qui devancent l'esprit humain ? Non, l'amour seul pouvait intéresser universellement, remplir tous les cœurs et se proportionner à leur énergie. L'amour seul, enfin, pouvait devenir un mobile aussi puissant qu'utile lorsque Rousseau le dirigeait. Peut-être que dans les premiers temps, les hommes ne connaissaient d'autres vertus que celles qui naissent de l'amour. L'amour peut quelquefois donner toutes celles que la religion et la morale prescrivent. L'origine est moins céleste, mais il serait possible de s'y méprendre. Quand l'objet de son culte est vertueux, bientôt on le devient soi-même. Un suffit pour qu'il y en ait deux. On est vertueux quand on aime ce qu'on doit aimer. Involontairement, on fait ce que le devoir ordonne. Enfin, cet abandon de soi-même, ce mépris pour tout ce que la vanité fait rechercher, prépare l'âme à la vertu. Lorsque l'amour sera éteint, elle y règnera seule. Quand on s'est accoutumé à ne mettre de valeur à soi qu'à cause d'un autre, quand on s'est une fois entièrement détaché de soi, on ne peut plus s'y reprendre, et la piété succède à l'amour. C'est là l'histoire la plus vraisemblable du cœur. La bienfaisance et l'humanité, la douceur et la bonté, semblent aussi appartenir à l'amour. On s'intéresse aux malheureux. Le cœur est toujours disposé à s'attendrir. Il est comme ces cordes tendues qu'un souffle fait résonner. L'amant aimé est à la fois étranger à l'envie et indifférent aux injustices des hommes. Leurs défauts ne l'irritent point, parce qu'il ne le blesse pas. Il les supporte, parce qu'il ne les sent pas. Sa pensée est à sa maîtresse. Sa vie est dans son cœur. Le mal qu'on lui fait ailleurs, il le pardonne, parce qu'il l'oublie. Il est généreux sans effort. Loin de moi, cependant, de comparer cette vertu du moment avec la véritable. Loin de moi surtout de lui accorder la même estime. Mais je le répète encore, puisqu'il faut intéresser l'âme par les sentiments pour fixer l'esprit sur les pensées, puisqu'il faut mêler la passion à la vertu pour forcer à les écouter toutes deux, est-ce Rousseau que l'on doit blâmer ? Et l'imperfection des hommes ne lui faisait-elle pas une loi des torts dont on l'accuse ? Je sais qu'on lui reproche d'avoir peint un précepteur qui séduit la pupille qui lui était confiée. Mais j'avouerai que j'ai fait à peine cette réflexion en lisant la nouvelle Héloïse. D'abord, il me semble qu'on voit clairement que cette circonstance n'a pas frappé Rousseau lui-même, qu'il l'a prise de l'ancienne Héloïse, que toute la moralité de son roman est dans l'histoire de Julie, et qu'il n'a songé à peindre Saint-Preux que comme le plus passionné des hommes. Son ouvrage est pour les femmes. C'est pour elles qu'il est fait. C'est à elles qu'il peut nuire ou servir. N'est-ce pas d'elles que dépend tout le sort de l'amour ? Je conviens que ce roman pourrait égarer un homme dans la position de Saint-Preux. Mais le danger d'un livre est dans l'expression des sentiments qui conviennent à tous les hommes, bien plus que dans le récit d'un concours d'événements qui, ne se trouvant peut-être jamais, n'autorisera jamais personne. Saint-Preux n'a point le langage ni les principes d'un corrupteur. Saint-Preux était rempli de ces idées d'égalité que l'on retrouve encore en Suisse. Saint-Preux était du même âge que Julie. Entraînés l'un et l'autre, ils se rencontraient malgré eux. Saint-Preux n'employait d'autres armes que la vérité et l'amour. Il n'attaquait pas, il se montrait involontairement. Saint Preux avait aimé avant de vouloir l'être. Saint Preux avait voulu mourir avant de risquer de troubler la vie de ce qu'il aimait. Saint Preux combattait sa passion. C'est là la vertu des hommes, celle des femmes est d'en triompher. Non, l'exemple de Saint Preux n'est point immoral, mais celui de Julie pouvait l'être. La situation de Julie se rapproche de toutes celles que le cœur fait naître, et le tableau de ses torts pourrait être dangereux si ses remords et la suite de sa vie n'en détruisaient pas les faits. Si dans ce roman, la vertu n'était pas peinte en traits aussi ineffaçables que l'amour. Le tableau d'une passion violente est sans doute dangereux, mais l'indifférence et la légèreté avec laquelle d'autres auteurs ont traité les principes supposent bien plus de corruption de mœurs et y contribuent davantage. Julie coupable insulte moins à la vertu que celle même qui la conserve sans y mettre de prix, qui n'y manque pas par calcul et l'observe sans l'aimer. Si l'indulgence était réservée à l'excès de la passion, l'exercerait-on souvent? Faudrait-il désespérer du cœur qui l'aurait éprouvé? Non, son âme égarée pourrait encore retrouver toute son énergie. Mais n'attendez rien de celle qui s'est dégoûtée de la vertu, qui s'est corrompue lentement. Tout ce qui arrive par degrés est irrémédiable. Peut-être Rousseau s'est-il laissé aller à l'impulsion de son âme et de son talent. Il avait le besoin d'exprimer ce qu'il y a de plus violent au monde, la passion et la vertu en contraste et réunies. Mais voyez comme il a respecté l'amour conjugal. Peut-être que suivant le cours habituel de ses pensées, il a voulu attaquer, par l'exemple des malheurs de Julie et de l'inflexible orgueil de son père, les préjugés et les institutions sociales. Mais comme il révère le lien auquel la nature nous destine, comme il a voulu prouver qu'il est fait pour rendre heureux, qu'il peut suffire au cœur même qui a connu d'autres délices. Qui oserait se refuser à sa morale? Est-il étranger aux passions? Méconnaît-il leur empire? N'a-t-il pas acquis le droit de parler aux âmes tendres et de leur apprendre quels sont les sacrifices qui sont en leur puissance? Qui oserait répondre qu'ils sont impossibles lorsque Rousseau nous apprend que la plus passionnée des femmes, que Julie en a été capable, qu'elle a pu trouver le bonheur dans l'accomplissement de ses devoirs et ne s'en est plus écartée jusqu'au dernier moment de sa vie. On se croit dispensé de ressembler aux héroïnes parfaites. On aurait honte de n'avoir pas même les vertus d'une femme coupable. Nos usages retiennent les jeunes filles dans les couvents. Il n'est pas même à craindre que ce roman les éloigne des mariages de convenance. Elles ne dépendent jamais d'elles. Tout ce qui les environne s'occupe à défendre leur cœur d'impressions sensibles. La vertu, et souvent aussi l'ambition de leurs parents, veillent sur elles. Les hommes même, bizarres dans leurs principes, attendent qu'elles soient mariées pour leur parler d'amour. Tout change autour d'elles à cette époque. On ne cherche pas à leur exalter la tête par des sentiments romanesques, mais à leur flétrir le cœur par de froides plaisanteries sur tout ce qu'elles avaient appris à respecter. C'est alors qu'elles doivent lire Héloïse. Elles sentiront d'abord, en lisant les lettres de Saint Preux, combien ceux qui les environnent sont loin du crime même de les aimer. Elles verront ensuite combien le nœud du mariage est sacré. Elles apprendront à connaître l'importance de ces devoirs, le bonheur qu'ils peuvent donner, lors même que le sentiment ne leur prête point ses charmes. Qui jamais l'a senti plus profondément que Rousseau? Quelle preuve plus frappante pouvait-il en offrir? Si Lupin deux amants, que la destinée aurait réunis, dont toute la vie serait composée de jours dont un seul suffirait pour embellir un long espace de l'année, qui, faisant ensemble la route de la vie, serait indifférent sur les pays qu'ils parcourraient, qui adorerait dans leur enfant une image chérie, un être dans lequel leurs âmes se sont réunies, leurs vies se sont confondues, qui accomplirait tous leurs devoirs comme s'ils cédaient à tous leurs mouvements, pour qui le charme de la vertu se serait joint à l'attrait de l'amour, la volupté du cœur au charme de l'innocence. La piété attacherait encore ces deux époux l'un à l'autre. Ensemble, ils remercieraient l'être suprême. Le bonheur permet-il d'être athée ? Il est des bienfaits si grands qu'il donne le besoin de la reconnaissance. Il est des bienfaits dont il serait si cruel de ne pas jouir toujours, que le cœur cherche à se reposer sur des espérances sensibles. Ce ne serait plus comme autrefois, par un lien secret, inconnu, qu'ils tiendraient l'un à l'autre. C'est à la face des hommes, c'est devant Dieu qu'ils auraient formé ce nœud que rien ne pourrait plus rompre. Leur nom, leurs enfants, leur demeure, tout leur rappellerait leur bonheur. Tout leur annoncerait sa durée. Chaque instant ferait naître une nouvelle jouissance. Que de détails de bonheur dans une union intime. Ah, si, pour nous faire adorer ce lien respectable, Rousseau nous eût peint une telle union. Sa tâche eût été facile. Mais est-ce la vertu qu'il eût prêchée ? Est-ce une leçon qu'il eût donnée ? Aurait-il été utile aux hommes en excitant l'envie des malheureux, en apprenant aux heureux que ce qu'ils savent ? Non, c'est un plan plus moral qu'il a suivi. Il a peint une femme mariée malgré elle, ne tenant à son époux que par l'estime, portant au fond du cœur et le souvenir d'un autre bonheur et l'amour d'un autre objet. Passant sa vie entière, non dans ce tourbillon du monde qui peut faire oublier et son époux et son amant, qui ne permet à aucune pensée, à aucun sentiment de dominer en nous, éteint toutes les passions et rétablit le calme par la confusion et le repos par le tumulte. Mais dans une retraite absolue, seul avec M. de Volmar, à la campagne, près de la nature, et disposée par elle à tous les sentiments du cœur qu'elle inspire ou retrace. C'est dans cette situation que Rousseau nous peint Julie, se faisant par la vertu une félicité à elle. Heureuse par le bonheur qu'elle donne à son époux, heureuse par l'éducation qu'elle destine à ses enfants, heureuse par l'effet de son exemple sur ce qui l'entoure, heureuse par les consolations qu'elle trouve dans sa confiance en son Dieu. C'est un autre bonheur sans doute que celui que je viens de peindre. Il est plus mélancolique. On peut le goûter et verser encore quelquefois des larmes. Mais c'est un bonheur plus fait pour des êtres passagers sur la terre qu'ils habitent. On en jouit sans le regretter quand on le perd. C'est un bonheur habituel qu'on possède tout entier, sans que la réflexion ni la crainte lui ôtent rien. Un bonheur, enfin, dans lequel les âmes pieuses trouvent toutes les délices que l'amour promet aux autres. C'est ce sentiment si pur, peint avec tant de charme, qui rend ce roman moral. C'est ce sentiment qui en eût fait le plus moral de tous, si Julie nous eût offert, en tout temps, non comme disent les anciens, le spectacle de la vertu aux prises avec le malheur, mais avec la passion. Bien plus terrible encore, si cette vertu pure et sans tache n'eût pas perdu de son charme en ressemblant au repentir. Je sais aussi que l'impression du tableau de la vie domestique de Madame de Volmar pourrait être détruite par le reproche qu'on lui fait d'avoir consenti à se marier. Mais malheur à celle qui se croirait le courage de résister à son père. Ses droits, ses volontés peuvent être oubliés loin de lui. La passion présente efface tous les souvenirs. Mais un père à genoux, plaidant lui-même sa cause, sa puissance augmentée par sa dépendance volontaire, son malheur en opposition avec le nôtre, la prière lorsqu'on attendait la force, quel spectacle ! Il suspend l'amour même. Un père qui parle comme un ami, qui émeut à la fois le cœur et la nature, est souverain de l'âme et peut tout obtenir. Il reste encore à justifier Julie de ne pas avoir avoué sa faute à M. de Volmar. La révéler avant son mariage, c'était tenter un moyen sûr de le rendre impossible. C'était tromper son père. Après qu'un lien indissoluble l'eût attaché à M. de Volmar, c'était risquer le bonheur de son époux que de lui faire perdre l'estime qu'il avait pour elle. Je ne sais pas si le sacrifice de sa délicatesse, même au repos d'un autre, n'est pas digne d'une grande admiration. Les vertus, qui ne diffèrent pas des vices aux yeux des hommes, sont les plus difficiles à exercer. Se confier dans la pureté de ses intentions, s'élever au-dessus de l'opinion, n'est-ce pas là le caractère d'un amour désintéressé pour ce qui est bien? Cependant, comme j'aimerais le mouvement qui porterait à tout avouer, je le retrouve avec plaisir dans Julie, et j'applaudis à Rousseau qui a pensé que ce n'était pas assez d'opposer dans la même personne la réflexion au penchant, mais qu'il fallait encore que ce fût une autre, que ce fût Claire qui se chargea de détourner Julie de découvrir sa faute à M. de Volmar, afin que Julie conservât tout le charme de l'abandon, et parût plutôt arrêtée que capable de se retenir. Quelle que soit sur ce point l'opinion générale, au moins il est vrai que quand Rousseau se trompe, c'est presque toujours en s'attachant à une idée morale plutôt qu'à une autre. C'est entre les vertus qu'il choisit. Et la préférence qu'il donne peut seule être attaquée ou défendue. Mais comment admirer assez l'éloquence et le talent de Rousseau? Quel ouvrage que ce roman! Quelles idées sur tous les sujets sont éparses dans ce livre! Il paraît que Rousseau n'avait pas l'imagination qui sait inventer une succession d'événements nouveaux. Mais combien les sentiments et les pensées suppléent à la variété des situations! Ce n'est plus un roman, ce sont des lettres sur des sujets différents. On y découvre celui qui doit faire Émile et le contrat social. C'est ainsi que les lettres persanes annoncent l'esprit des lois. Plusieurs écrivains célèbres ont mis de même dans leur premier ouvrage le germe de tous les autres. On commence par penser sur tout, on parcourt tous les objets, avant de s'assujettir à un plan, avant de suivre une route. Dans la jeunesse, les idées viennent en foule. On a peut-être dès lors toutes celles qu'on aura, mais elles sont encore confuses. On les met en ordre ensuite, et leur nombre augmente aux yeux des autres. On les domine, on les soumet à la raison, et leur puissance devient en effet plus grande. Quelle belle lettre pour et contre le suicide! Quel puissant argument de métaphysique et de pensée! Celle qui condamne le suicide est inférieure à celle qui le justifie. Soit que l'horreur naturelle et l'instinct de la conscience parlent plus éloquemment contre le suicide que le raisonnement même, soit que Rousseau se sentit né pour être malheureux, et craignit de sauter sa dernière ressource en se persuadant lui-même. Quelle lettre sur le duel! Comme il a combattu ce préjugé en homme d'honneur! Comme il a respecté le courage! Comme il a senti qu'il fallait en être enthousiaste pour avoir le droit de le blâmer et lui parler à genoux pour pouvoir l'arrêter. C'est Julie, je le sais, qui écrit cette lettre. Mais si c'est le tort de Rousseau comme auteur de roman, c'est son mérite comme écrivain-penseur de faire parler toujours Julie comme il eût parlé lui-même. Je l'avouerai cependant, souvent je n'aime pas à reconnaître Rousseau dans Julie. Je voudrais y trouver les idées, mais non le caractère d'un homme. La convenance, la modestie d'une femme même coupable, y manque dans plusieurs lettres. La pudeur survit encore au crime, quand la passion l'a fait commettre. Il me semble aussi que ces sermons continuels à Saint-Preux sont déplacés. Une femme coupable peut aimer la vertu, mais il ne lui est pas permis de la prêcher. C'est avec un sentiment de tristesse et de regret que ce mot doit sortir de sa bouche. Je ne retrancherai rien à la morale de Julie, mais je voudrais qu'elle se l'adressât à elle-même, et que le spectacle de son repentir fût le seul moyen qu'elle crût avoir le droit d'employer pour ramener son amant à la vertu. Je ne puis supporter le ton de supériorité qu'elle conserve avec Saint-Preux. Une femme est au-dessous de son amant quand il l'a rendue coupable. Les charmes de son sexe lui restent, mais ses droits sont perdus. Elle peut entraîner, mais elle ne doit plus commander. On a souvent agité, s'il était dans la nature, que Julie sacrifia le seul rendez-vous qu'elle croyait pouvoir donner à Saint-Preux au désir d'obtenir le congé de Claude Anet. Je crois possible qu'un acte de bienfaisance l'emporte dans son cœur sur le bonheur de voir son amant. Il peut être dans la nature de ne pas être arrêté par le premier des devoirs et de céder à la pitié. C'est un mouvement qui tient de la passion, qui agit comme elle à l'instant et directement sur le cœur, qui lutte avec plus de succès contre elle que les plus importantes réflexions sur l'honneur et la vertu. Mais je trouve quelquefois dans cet ouvrage des idées bizarres en sensibilité, et je crois qu'elles viennent toutes de la tête, car le cœur ne peut plus rien inventer. Il peut se servir d'expressions nouvelles, mais tous ces mouvements, pour être vrais, doivent être connus, car c'est par là que tous les hommes se ressemblent. Je ne puis supporter, par exemple, la méthode que Julie met quelquefois dans sa passion. Enfin, tout ce qui, dans ses lettres, semble prouver qu'elle est encore maîtresse d'elle-même et qu'elle prend d'avance la résolution d'être coupable. Quand on renonce au charme de la vertu, il faut au moins avoir tout ce que l'abandon du cœur peut donner. Rousseau s'est trompé s'il a cru, suivant les règles ordinaires, que Julie paraîtrait plus modeste en se montrant moins passionnée. Non, il fallait que l'excès même de cette passion fût son excuse. Et ce n'est qu'en peignant la violence de son amour qu'il diminuait l'immoralité de la faute que l'amour lui faisait commettre. Il me reste encore une critique à faire. Je me hâte. Elle m'importune. Les plaisanteries de Claire manquent à mes yeux presque toujours de goût comme de grâce. Il faut, pour atteindre à la perfection de ce genre, avoir acquis à Paris cette espèce d'instinct qui rejette, sans s'en rendre même raison, tout ce que l'examen le plus fin condamnerait. C'est à son propre tribunal qu'on peut juger si un sentiment est vrai, si une pensée est juste. Mais il faut avoir une grande habitude de la société pour prévoir sûrement l'effet d'une plaisanterie. D'ailleurs, Rousseau était l'homme du monde le moins propre à écrire gaiement. Tout le frappait profondément. Il attachait les plus grandes pensées aux plus petits événements, les sentiments les plus profonds aux aventures les plus indifférentes. Et la gaieté fait le contraire. Habituellement malheureux, celle du caractère lui manquait, et son esprit n'était pas propre à y suppléer. Enfin, il est tellement fait pour la passion et pour la douleur que sa gaieté même conserve toujours un caractère de contrainte. On s'aperçoit que c'est avec effort qu'il y est parvenu. Il n'en a pas la mesure, parce qu'il n'en a pas le sentiment. Et les nuages de la tristesse obscurcissent malgré lui ce qu'il croit des rayons de joie. Ah ! Qu'il pouvait aisément renoncer à ce genre si peu digne d'admiration ! Quelle éloquence ! Quel talent que le sien pour transmettre et communiquer les plus violents mouvements de l'âme. Des idées de destin, de sort inévitable, de courroux des dieux, diminuent l'intérêt de Phèdre et de tous les amours peints par les anciens. L'héroïsme et la galanterie chevaleresque font le charme de nos romans modernes. Mais le sentiment qui naît du libre penchant du cœur, le sentiment à la fois ardent et tendre, délicat et passionné, c'est Rousseau qui, le premier, a cru qu'on pouvait exprimer ces brûlantes agitations. C'est Rousseau qui, le premier, l'a prouvé. Que le lieu de la scène est heureusement choisi. La nature en Suisse est si bien d'accord avec les grandes passions, comme elle ajoute à l'effet de la touchante scène de la Meillerie, comme les tableaux que Rousseau en fait sont nouveaux, qu'il laisse loin derrière lui ses idylles de Gressner, ses prairies émaillées de fleurs, ses berceaux entrelacés de roses. Comme l'on sent vivement que le cœur serait plus ému, s'ouvrirait plus à l'amour, près de ces rochers qui menacent les cieux, à l'aspect de ce lac immense, au fond de ces forêts, sur le bord de ces torrents rapides, dans ce séjour qui semble sur les confins du chaos, que dans ces lieux enchantés, fades comme les bergers qui les habitent. Enfin, il est une lettre moins vantée que les autres, mais que je n'ai pu lire jamais sans un attendrissement inexprimable. C'est celle que Julie écrit à Saint-Preux au moment de mourir. Peut-être n'est-elle pas aussi touchante que je le pense. souvent un mot qui répond juste à notre cœur, une situation qui nous retrace, ou des souvenirs, ou des chimères, nous fait illusion, et nous croyons que l'auteur est la cause de cet effet de son ouvrage. Mais Julie, apprenant à Saint-Preux qu'elle n'a pu cesser de l'aimer, Julie, que je croyais guérie, me montrant un cœur blessé plus profondément que jamais, ce sentiment de bonheur que la cessation d'un long combat lui donne, cet abandon que la mort autorise et que la mort va terminer, ces mots si sombres et si mélancoliques, adieu, pour jamais, adieu, se mêlant aux expressions d'un sentiment créé pour le bonheur de la vie, cette certitude de mourir qui donne à toutes ces paroles un caractère si solennel et si vrai. Cette idée dominante, cet objet qui l'occupe seul au moment où la plupart des hommes concentrent sur eux-mêmes ce qu'il leur reste de penser. Ce calme qu'à l'instant de la mort, le malheur donne encore plus sûrement que le courage. Chaque mot de cette lettre, enfin, a rempli mon âme de la plus vive émotion. Ah, qu'on voit avec peine la fin d'une lecture qui nous intéressait comme un événement de notre vie, et qui, sans troubler notre cœur, mettait en mouvement tous nos sentiments et toutes nos pensées.